Chapitre 19e, conclusion. À quelques jours de là, le père Anselme bénissait l'heureuse union de Guillaume et d'Améliane. Dupuget prit le nom de Glandevès, d'après les désirs du gouverneur dont Améliane était l'unique enfant. Charles de Mantoue quitta Marseille et s'embarqua sur une galère de l'État sous les ordres de Préjean de Bidoux. Il y revint 3 ans après, obtint par ses intrigues d'être nommé premier consul. La peste ayant pendant l'année désolé la ville, Charles s'enfuit ainsi que ses collègues. Mais il emporta dans son sein l'affreuse contagion et mourut en proie à d'horribles douleurs, seul, abandonné, le jour même où le vénérable prieur de l'abbaye Saint-Victor, entouré de ses religieux éplorés, expirait, victime de son zèle, et allait recevoir dans un monde meilleur la récompense de ses vertus et de ses travaux. Seulement alors Guillaume réclama la fortune de Jean de Mantoue qui lui fut rendue. Le viguier, qui s'était couvert de gloire pendant le siège, reçut de la cité en mémoire de ses services une somme considérable, que le fils de Guillaume et d'Améliane, Antoine de Glandevès, vicomte de Pourrières, employa 50 ans plus tard, à fonder dans Marseille la première maison des orphelines. Une des rues de la nouvelle ville porte encore de nos jours le nom de Glandevès. Catherine, heureuse de bercer sur ses genoux le petit-fils du viguier, vécut encore de longs jours auprès de la dame de Glandevès, et quand le souvenir de Valentin venait troubler son bonheur et amenait au bord de sa paupière une amère et brûlante larme, elle sentait sa douleur s'éteindre et ses pleurs se tarir, en répétant au fils de Guillaume le dévouement d'Améliane. Ainsi s'achève une héroïne de Pauline de Grandpré.